Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Henri, on se retrouve pour une nouvelle émission de Hind en Brezonnik, Kentel Perzek. Père Hind Perzek à Perugun. À Perugun, oui. C'est ça. 494. On pourrait dire Pevar Hind, Pevar Zek à Pevar Hugun. Oui, nous on coupe un peu plus vite. Bon. On s'approche de la 500e, je crois. Oui, on approche la 500. On essaye de préparer quelque chose pour la 500e, d'ailleurs. Ouais. Ça se coupe, allez, on le dit. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un adjectif qualificatif qui est court aussi. Hein. Terre. Ça s'écrit comment ? T-A-E-R. Rien de plus simple. Terre qui veut dire, selon les cas, véhément, coléreux, violent. Hein, et sauter. On dit sauter. Et sauter velenton. Ça me dit quelque chose dans le mot, dans le nom coléter. Hein, je sais pas, parce que coléter, il y a plusieurs explications. Ah bon ? On va dire que c'était le taureau furieux. Oui, oui, ça, c'est ce qui vient. Mon arrière-grand-mère s'appelait Colter. Josephine Colter. Oui, mais on portait bien son nom ou pas? Oui. Non, elle était très douce. Elle était très douce. Mon arrière-grand-mère était très douce. Oui. Josephine Colter. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire parce qu'elle est morte 10 ans avant que je ne naisse, mais voilà. Alors, Ondenter, donc quelqu'un de coléreux. Ohesoter PV fumet. Il est pas facile quand il est fâché, quoi. Fumeud, hein, c'est marrant, hein, le mot fumeud. Hein. Ah ouais, moi, ça sort des narines, moi. Sortant des narines. Oui. Voilà. Pour être en colère, il y a plusieurs mots. Hein. Fumeud, fâcheud aussi. Hein. Donc, guadéen péonde vâcheud, marianig me hé méret. Je ne suis pas très méchant quand je suis fâché. Donc, c'est une demande en mariage. Hein. Voilà, il y a fulord aussi. Hein. C'est très en colère, oui. Fulor, c'est un emprunt à fureur, hein, en remplaçant le R par un L, ce qui arrive assez souvent. Voilà. Alors, à partir de terre, alors c'est un mot qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, hein, avec des sens tout à fait semblables. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, il y a toute une famille de mots. Terrine, s'emporter. Alors, d'idère, évidemment, ce sera s'apaiser, s'adoucir. Hein. Terre. Redescendre, quoi. Hein? Redescendre. Redescendre, oui, oui, oui. Oui, oui, il y en a comme ça qui sont impulsifs, puis ça redescend tout de suite. Certainement. Voilà. Terdet, hein, c'est un mot féminin qui veut dire la violence, une derdet, mais la violence passagère. Hein, une violence durable, ce sera fölster. Hein. Fölster. Mais une violence passagère, un coup de sang comme ça, un derdet. Il y a terdeur aussi, hein, qui est masculin, et qui a le même sens. Alors il y en a un qui est assez amusant, c'est terision. Terision, c'est l'emportement, hein, un emportement soudain. Alors comme c'est un mot féminin, avec la mutation, oui, ça donne une dérision. Ah, c'est rigolo, ça. Oui. Ouais. Et c'est pas du tout la même origine que dérision. Hein. Voilà. Terrat aussi, hein, s'exaspérer. Terrus, c'est irritable, hein, susceptible. Voilà. Dider, je l'ai déjà dit. Alors après, on peut faire les mêmes. Hein, dider, la non-violence. Hein, voilà. Scornanter aussi, geler dur. Hein, geler à pierre fendre. Hein. Scornanter, de Sgret Fénonce. Hein. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, terre velentante, terre velenovel, terre in rue, se fâcher tout rouge. Voilà. Voilà. Alors, oui, j'ai dit tout à l'heure fulor, hein. Donc, fulor, qui est emprunté au français au français ou au latin, on sait pas trop. Parce qu'il y a eu beaucoup d'emprunts au Moyen-Âge aussi, par rapport au latin d'église, par exemple. Donc, voilà, fulorine. Hein. Alors, fulorine, se mettre en colère. Dit fulorine, se calmer. Hein, voilà. Et puis, alors, pour terminer, fumant, quoi. Hein. Fumant, c'est se mettre en colère aussi. Et alors, il y a des blagues là-dessus, parce que quelqu'un qui est interpellé, on dit, mais vous fumez, monsieur? Oui, je crois que je vais me mettre à fumer bientôt.

Eri, Petra, zone Evervron. Ben, calze le droit ou évèle juste boire vèche dit aux ânes. Crogum de Diantan, évèle qui s'accustume quand on est là pour doux, à Raguevu et voir à Metz. Tostaran de Zenebe Amzor, à Bétac Bremen, n'est que Bégual Val Namzor, à Gébé Douce, hein, Namzor, ne ce que Bégouan, Bénéfine, on rend que Grédan que Taille, on rémentit, il peut dire tout d'un trous ou une bleugneau, hein. Au Miss Rock, bon, peut m'en heur bleugneau, hein, peut dire, bleugneau Zanjo, je veux le vélard, de, aux Ohio, au Miss Rock Zanjo, je veux, Zanjo, je veux, Nantes, que de Zevis, Meurs. Wardachen la bourdoire révèle juste ben calze drogues au de l'arbre puis dire zo reuse war war mais ou quand quand de laisse quand de mort contre Wellras ag bonne un encadre zo velvelard d'une crise hein, mais de zénique neve hein quand vemeuse pewan jo un diel ou un sel ad bame diel ou un meuscave de alors, peine la scrive, quand on dîne à voir notre Alduy, ou à, il soit député de ce, de ce Pyrénées, ou, Zariol, pélard et mode, à que, nous a scrive, alors peine à de, barzer, gala ou un combat, gala ou un combat, ou à gazettenze, ou à bécrou, de, roquefine brezel, hein, quand tu de, in, de nalamante, de houls, à de gouvernement de Vichy, à que, bonne maison de l'Enezé, à que, pesblijedine d'Appenbars, à que, un dix mois de trois, de, orpenat scrivet, à que, zo, légitimité de la révolte paysanne, à que, m'avait fait béchange de, bonne chèche de nom, hein, là, que de, Michel, Manuel Valls, ma place Michel Debré, d'un hein, bon, change de, Europe des six, grande Europe des 28, va fait bé moyen de, d'imbanzé, Zé, ou escrivait, et en bla, mille, norand, père à Trugen. Ya, yeah, mille norand, père à Trugen, ya. Yeah. Rentre quand de l'assaut, c'est peine rentre quand de l'assaut. Ya. Yeah. Avec quand, v'en même strauve, vel, lieu du, avec, l'art, bon, Himmelard, bon, et du, grande paysante, depuis dur, des vins que paient travoir de Zolabour, bon, avec Hatkav et Bars, toute pesso, du. Avant, c'est quoi l'arrêt d'un trou, orgue d'un zo, même stra, et, pis sa place, verro de l'arbre douar, baguevridigues, vraiment. Orgue d'un zo, so bouée à Brésil, ben, les fines bouée à Brésil, ou zan. Plus dur, bonne, obéissante, au sens de vague en, un dute, mais de vague en émahamat. Ag, n'est que dix, air à un air, en, rasté là un air, en. A Waller Brezel, obéissante au Arésiouar, à Niwanjonge, de non de la quatre sembles, vie d'or coopérative, vie de, bonne vie de cas, d'un tombe, l'évaison de ma personne, on aurait pris-je de spise de niaison, de spise de prêt de grand-té, à que pris-je de spise de guerre de grand-té. À que de houls, pévigégré de repérative, un dû de ou à mess ou à repérative, à vigélard, hein, on dé norvoise, un homme une voix. À que, vraiment, bénéfine, repérative, n'inque d'indan gal ou de paysan de Chine. Tientor, même, je vais faire de paysan de d'indan gal ou de opérative. Opérative, vous deux de vous de Staliou, Staliou vel réel, bon, on aime vous de veguet bépla, vide du, de zo, zo sens le bout de mes bars, mais de bénéfine leur gal ou de manque de Chine gandaré, un bécrou de, un nez, quoi. À ma mère, j'ai dit, et Sterd, hein, Gouel, tu fais, armes Gouel, paysante, au fond de ma opérative, de glace, pisse, pisse au bas frigoyo, ouais. À Isou et Ward, de Vel, digas, qui, de Zlerel, n'est que si, ou aspire, de Vel, juste, aspire, opérative, ou. Bon, orgue de Nel, qui n'est que de Vel, de la Bréarienne Douar, Zikourio, d'Hermot. De Zikourio, des aides, quoi. Hagen est pays une classe, hein, et veut faire vite paix de priest, hein, et vite paix au argo bénéfine. Hag, bon, dis ce mancon. Bon, warant que paix ça dis clum vous, mais, bon, crise au vévige de nombre zormen. Bon, en reste aux obé d'un encas de noir, ce grand, plus dur et bé de, tenne de hotel, hotel, me mestra d'air intra, au nos jeux, même, pelguel, ma mestra, bon. Bon, guel, vous, paix sa mode, vos con. Wardash en un endro, vraiment, gudanel zo, n'est que bra, guels clair, baf, un air borse, il trône varia l'an d'ailleurs, hein. Bubsord trouve éclève, hein, Bubsord, très ministre de Mamech, hein, bon, notre président, Fancholan, ne j'lard, j'ai bégré d'autres votades, au référendum, puis goudagué, vous crède, un air borse. Mais ouais, que de, ça, déjà avec Guard Piu Halo Voto, puis tant mon réseau département, puis tant mon mur réseau bord d'un département, puis réseau Braison, réseau Bro Liger, n'est que clair tant me vite. N'est que sûr, même si m'avait guide au référendum, j'échange que quand je trouve, puis dur, réseau, du, chon moi du, aga réseau in, chon moi in, pour en que ça m'a de vos comptes, bénéfine, quoi. Un que bras à goutte, puis dur, vel aranda. Bon, et vel juste, Manuel Valls, ne stresse de vous, de du, graine gansée, héros, et vel juste, puis rien, tant de, ne se rendre de vous, tant de nerfs borse, hein, bénéfine, Ag, bon, Ségolène Royal, n'est que Wals Clair, pessa zongeneuse, bon, gwellet vous, hein, pessa mauve au con. Wardash en leur politique heureuse, bon, muske calze dra de l'art de vunu, futur, bon, vraiment, politicour, yon zo, change al ba votad ag, Deauville Seitek, ag moigne tout casse dans de l'acad, me zonglo, très grande paix, de Hugendé, noir, rien que vichme. bon. Guelvo, puis sa mot de vos con. Mais de, pas de normes, on se fait que comme de scudé, noir, vro, puis pas une occasion dans la cade à cette humote. Hudu, moi, Juan de, d'Inor, de Réinor, de Houblard, de Zevro, que Zoed, de Nanon, Kawar, Mamamesdé, ou à Simone Toulet, bah, Gwengam, à Micheline Lelay, bah, Kalak. Ag, un dioublard, ce n'est labour, calse, vide vro, à vide glade, or vro. Ag, bon, moi, roi de l'art, d'un drameneck, de si, de si. Simone Toulet, ou à, bah, Gwengam, hein, grande doabé, bah, Gwengam, bah, Milno, Han Hugen. Ag, ne s'guette, calse, dro, à vide glade, Gwengam, hein, Honsoir et au Berntro, hein. Ag, orbija d'urvigé heunei baru au Gwengam, bédon bed, au nebat gwejo heunei, a me disolo, et trop, mame, sa veine que gwel de ze rue, hein, ve, trop, dispar, ba Gwengam, Gwengam ne zor, rier, an zo, au bern trop, a zo cul, dragon tir, ag, zo trop, bern trop de zisolo, ag, gant Simon Toulet, ou orbija d'urorze, à Crouet Wabé Ganteil, mignon de Gwengam, les amis de, du pays de Guingamp, c'est au Trégon Lasso, à Kalse Drogs au Bédimband de Ganorgela Wenze, à Scriven de Sleverio, voire histoire Gwengam, hein, puis ça, vivre à Guingamp au 19e siècle, et ce m'sbé l'aine de, m'sbé prenne d'Alène, hein, bon, à Honswan Tamba, war roude ne sigismon repars, ni wa begret tro war histoire Gwengam, hein. Bon, sais-tu, Simone Toulet, ou être nanan, bon, moi, chon barra, un bromen, hein. Ag, labour neus bern, au bern vid glad Gwengam, da square vid hastel, hein, castel perdo, ag vid nilis, hein, vid nilis, et trente varia, guir zikour, hein, a calze drog, hein, Agor plar intant gant un glad oa, quoi. Pe vije Fumo rêvé, j'ai gueulette. Puis ça monte, n'est que de vous nisoir, un trop évité, quoi. Bon, on fait la chance, même sera au laboratoire, ou à Riroudou, hein, à vos dires de laboratoire glad, Gwengam, qu'à Zézo, on doit bouiller évité à Gwengam. Micheline Lelay, ou appelle Yo encore, invite hein, Simone Toulet, hein, ou que mes pères et blas triugen. Ag 11 ou abed gant ba Drancy, ag heureux de gant Francis Lelez ou renavent motre, ba vro ame, ba kalak, ag an un tram de do buel arbor ba Paris, hein, et oa ba RATP, a hi oa horse call, ag pe oa a o leve ba gwen gam, ba n'en yon lak du stu, zir oa rog blau d'auville, hein, Doula Rock Blau Douville, ni wagnon là que du stud de la bourrade vide. Vical se droit au bénéfice, toujours Vigène Gouelet, calz Stroladou, hein, calz Gévrilégésiou. Agen la bourre calz vide calac, hein. Dreistol, war glad, avoir un touriste éles. Agen, obligea du roi, hein, la bourrade grande Micheline Lelay, toujours Vigé. Zeber dermad ag obern starti jen vije gantayam. Bon, a setu brom et et nan an, mais der araitud evel just, mam eus mod vel vi Simone Toulet, de la bourradoir irodou. Ag or jonge meus evel just, un vi Francis, peut dire, et han aven mad bavro, am eus bet alise ur bujadur de la bourrad gantam. Bon, puis on commence de studio de studio vro vraiment de gomme sont des aso yarmot et Marcel Bius hein. Puis dire bonne au sacré fête vos grettes. Puis Dinor et Marcel Bius hein. Marcel de ce disque de Gals et du donc ben, Marcel ne zo compteur corner laboureur d'où à roi hein puis j'aurais dans l'arbre d'où à change meuse de ce nom nous à rue à ma 13 de ma vie chez là change de zé un dl moi clé maintenant grand Jean-Pierre hein ou de la rune ag bonne guiré et Marcel de ce labour calz hein à vite truscas un trou hein plusieurs de et Velmes Lard, compteur, corner, bah, RKB, mon laborat vide RKB, bouen, tout le tchanton, hein. Tout le tchanton, qu'elle s'abadait, nous ne se bégrène, même, de, puis j'ai croc RKB, hein, Bacchus Ulmer en mort, président Ninor, de ZRKB, hein, que, en avant de mode, bah, vro, quand, qu'elle se tue, hein. Ah, sais-tu, gant, et on dravorde, hein, or Guel Viton Vidreidan or Veda un office sur un Ars ou Agel Lisiri Agel Vogred or fait hein bah purut balarion hein or Veya de Xoba purut fais non ça fait des fais non ce grand au Bernitude hein ou en que d'agir au moyen de la canne tout de drame là tiens me belle zo Agel Vogro autant un médaille un office sur un aide de fils sur voir à une car un tel est foutu marre grog, mais il me souhaite office au roi rune. D'ailleurs. Dreist. Bon. Bah, c'est-tu un temps de spéçonner, Vébavro? Bon. Qu'en avons-y, alors?